comme le métro. Je suis blindé, j'suis Othello, j'ai RDV, follow follow. Elle a cliqué, bête de go, elle est validée. Jeu de jambes, venu d'ailleurs. Tu veux ma montre ou juste l'heure? Là j'suis pris, on s'appelle ta l'heure. J'en ai seulement pour trois quarts d'heure. Non non c'est pas méchant, on ne fait pas semblant. J'ai dit c'est bon déjà, j'suis pas à 100%. Tu veux le numéro d'un chambre ta glaudasse? Viens avec une copine à l'occasse. Non ne fais pas genre que t'es loca, tu dégages au moindre faux pas. Dégage au moindre faux pas. Oh là là, viens.